The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Obélisque. L'obélisque. Entanglement. L'enchevêtrement. To find a way. Se débrouiller. To decipher. Déchiffrer. Hieroglyphs. L'hiéroglyphe. To hear. Ouïr. Fond of. Féru. Egyptology. L'égyptologie. Unravel the mystery. Percer le mystère. Rosetta Stone. La pierre de Rosette. Military engineering. Le génie de l'armée. Demotic. Le démotique. Cross-checking. Le recoupement. Long drawn out. De longue haleine. To Frenchify. Franciser. Now, a bit faster. Military engineering. Le génie de l'armée. Fond of. Féru. Long drawn out. De longue haleine. To find a way. Se débrouiller. Fond of. Féru. Entanglement. L'enchevêtrement. Rosetta Stone. La pierre de Rosette. Egyptology. L'égyptologie. Entanglement. L'enchevêtrement. Unravel the mystery. Percer le mystère. To decipher. Déchiffrer. Long drawn out. De longue haleine. To Frenchify. Franciser. Obélisque. L'obélisque. Egyptology. L'égyptologie. Entanglement. L'enchevêtrement. Hieroglyphs. L'hiéroglyphe. Fond of. Féru. Demotic. Le démotique. To find a way. Se débrouiller. To Frenchify. Franciser. Long drawn out. De longue haleine. To decipher. Déchiffrer. To hear. Ouïr. Egyptology. L'égyptologie. To decipher. Déchiffrer. Entanglement. L'enchevêtrement. To Frenchify. Franciser. Entanglement. L'enchevêtrement. Now, use the words in context. L'enchevêtrement. He fell into an entanglement of brambles and hurt himself. Il est tombé dans un enchevêtrement de ronces et s'est fait mal. Féru. He's fond of the cinema and watches at least 3 films a day. Il est féru de cinéma et regarde au moins 3 films par jour. Percer le mystère. They still haven't managed to make a breakthrough in the mystery of the Bermuda Triangle. On n'a pas encore réussi à percer le mystère du triangle des Bermudes. De longue haleine. Reforming the educational system would be a tediously lengthy process. Réformer le système éducatif serait un travail de longue haleine. Franciser. They Frenchified their name out of fear of being discriminated against. De peur d'être victimes de discrimination, ils ont francisé leur nom. L'enchevêtrement. He fell into an entanglement of brambles and hurt himself. Il est tombé dans un enchevêtrement de ronces et s'est fait mal. Percer le mystère. They still haven't managed to make a breakthrough in the mystery of the Bermuda Triangle. On n'a pas encore réussi à percer le mystère du triangle des Bermudes. De longue haleine. Reforming the educational system would be a tediously lengthy process. Réformer le système éducatif serait un travail de longue haleine.